premier temps de notre série de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire de la cuisine. Aujourd'hui, le goût du terroir. Pendant 4 jours, nous allons donc vous parler dans la Fabrique de l'Histoire de cuisine et de son histoire. Nous parlerons de gastrotechnie demain avec le documentaire signé Olivier Chomel et Thomas Duterre sur Édouard de Pomian, de banquets républicains ou pas d'ailleurs mercredi et d'aliments voyageurs dans le débat du jeudi. Quant à ce matin, nous recevrons Thomas Parker. Il est professeur associé d'études françaises et francophones au Vassar College de l'État de New York et il est auteur du Goût du terroir qui vient juste de paraître, Histoire d'une idée française, publié aux presses universitaires de Rennes et aux presses universitaires François Rabelais. Puis dans la deuxième partie de cette émission, nous ferons un petit écart par rapport à notre thématique hebdomadaire et nous demanderons à Marie-Françoise Limon-Bonnet, conservateur général du patrimoine, responsable du minutier central des notaires et membre de l'équipe projet de plateforme collaborative dédiée aux poilus Testament de Poilus, ce qu'est justement cette initiative qui sera lancée demain par les Archives nationales. En 1983, Paul Bocuse au micro de France Inter dans une émission qui s'intitulait « Le charme discret de la gourmandise ». Là, vous achetez la moelle, là, c'est pour les cardons, ça, c'est une recette lyonnaise aussi. Vous savez, le cardon, donc, on peut le faire de plusieurs façons. D'abord, c'est très long à éplucher parce que c'est un légume qui est un peu de chez nous et de la Touraine et d'origine italienne. Alors, donc, beaucoup de gens confondent le cardon avec les blettes, tout à fait différent. Ça a rien à voir. Le cardon a un goût d'artichaut, un goût de crône, c'est-à-dire, c'est très spécial. Alors ça se fait à la moelle, ça. À la moelle, ça se fait, ça peut se faire. Ça peut même sauter au beurre, c'est très bon. Même les Italiens le mangent cru avec les anchois à la trempée, là. Mais Lyon est un véritable bien de manger, c'est-à-dire que nous sommes entourés des meilleurs produits. D'abord, des grands vignobles. Au nord, nous avons le Beaujolais et la Bourgogne avec tous les producteurs, les petits maraîchers, c'est-à-dire les épinards, les salades. Au sud, on a les côtes rôties, les côtes du Rhône. Et là, ce sont donc la vallée du Rhône avec les fruits, les poires, les pommes, les asperges. À l'est, on a quand même tous les lacs qui sont là, les étangs des Dombes avec les volailles de Bresse, avec les pigeons et tout ça. Et à l'ouest, on a quand même le Charolais, le Forêt, qui nous amène quand même beaucoup de produits. Donc Lyon est au milieu d'un garde-manger. C'est vraiment un carrefour. Oui, et il y a une chose qui avait été dit, je crois, par Henri Gault, Christian Millau, qui avait dit « Lyon est une ville qui donne faim ». Voilà, extrait du charme discret de la gourmandise, Paul Bocuse et ses amis sur France Inter. Il était interrogé par Olivier Nanteau, c'était en 1983. Bonjour Thomas Parker. Bonjour. Merci d'être avec nous donc pour parler de votre livre qui vient juste de paraître aux presses universitaires de Rennes et aux presses universitaires François Rabelais, traduit donc de l'anglais puisque vous êtes universitaire aux États-Unis, au Vassar College de l'État de New York et que vous l'aviez publié, c'était en 2015 en anglais. Et il s'agit du goût du terroir. Histoire d'une idée française. Alors, on entendait Paul Bocuse. Vous avez peut-être regardé la cérémonie ou vu quelques-unes des images de cette cérémonie, Thomas Parker. Quelques images, oui, tout à fait. Oui. Avec tous ces chefs, avec leur toque. Ils n'avaient pas leur toque, mais ils avaient surtout leur habit de chef. Et ils avaient, évidemment, pour beaucoup d'entre eux, en tant que meilleur ouvrier de France, le bleu, blanc, rouge au col. Ils étaient si nombreux dans cette église de Lyon pour rendre hommage à ce père de la nouvelle cuisine, en l'occurrence, qu'on en oubliait effectivement cette vision que développait dans cette archive Paul Bocuse, à savoir que Lyon était une sorte de métaphore de la France, puisque c'est ce qu'il disait, puisque la France se veut au centre de toutes les influences culinaires de l'Europe et que Lyon est au centre de tout un tas d'influences culinaires, Thomas Parker. Oui, tout à fait. C'est précis, mais quand j'ai fait mes recherches dans l'histoire du terroir, commençant au 16e siècle et allant vers le 20e siècle, j'ai pu constater aussi que le terroir, qui est un concept, on pense notamment à la France profonde, la France agricole, les vignerons et tout ça, mais Paris jouait toujours un rôle important aussi, puisque on disait que même si on reconnaissait la valeur des terroirs, il fallait des grands chefs pour les sublimer. Exactement, exactement. Donc et souvent ces grands chefs c'était à Paris, donc c'était Paris qui, oui, voilà, qui cuisinait, qui savait cuisiner des mets qui venaient des produits qui venaient ailleurs en France. Alors ce qui est très intéressant dans votre travail, c'est que ça n'est pas un travail d'historien de la cuisine en l'occurrence, mais c'est un historien des idées qui s'attaque à la question de cette notion de terroir. Et pour vous attaquer à cette notion de terroir, vous remontez très haut dans notre histoire, et pas au 19e siècle comme on le fait habituellement, ou à la fin du 18e siècle, mais vous remontez au 16e siècle. Pourquoi avoir choisi cette fin de Moyen-Âge et ce début de Renaissance pour pouvoir évoquer la notion de terroir, Thomas Parker? Ben, je pense que l'idée du terroir existait avant, et c'était au 16e siècle où ça, on a trouvé dans le, donc il y a eu l'invention de l'imprimerie, et du coup il y a eu la publication de beaucoup de livres sur des manuels agricoles qui parlaient de comment il fallait faire pour les récoltes, et du coup l'idée est devenue beaucoup plus répandue, mais c'était aussi une notion dont parlaient les poètes de la Pléiade, pour votre public, tout le monde connaît Rabelais, donc l'idée, j'étais attiré aussi par Rabelais, parce que je me suis dit que si on parle de terroir, il faut aussi parler du Rabelais. Sachant que au début, je pensais que le livre serait facile à écrire, parce que j'avais été importateur, je me suis toujours intéressé au vin depuis ma première visite en France. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que cela, et c'est devenu rapidement une histoire d'idées qui a pris assez longtemps à écrire, puisque c'est un sujet vaste. Alors, racontez-nous justement, Stephen Kaplan nous raconte sa première arrivée en France en tant que jeune Américain de Brooklyn en 1960 dans ma bonne ville de Poitiers, qui n'était pas si bonne pour lui que cela, en l'occurrence. Vous découvrez la France, comment, et surtout, comment cette découverte de la France va-t-elle orienter vos travaux futurs, justement, sur cette notion du terroir? Merci de me poser la question, puisque c'est, la réponse est importante. J'imagine que les gens peuvent se demander, mais qui est cet Américain qui aborde un sujet comme le terroir français? J'ai une assez longue expérience, puisque je suis venu en France quand j'avais 18 ans. Je ne savais pas ce que j'allais faire avec ma vie. J'avais commencé mes études à la fac, et j'étais rentré pour les vacances d'été, et je dînais avec ma mère. J'avais fait une étude à l'école sur le vin, et je prétendais savoir quelque chose sur le vin. J'ai commandé un Bordeaux qui était censé être rouge. Et c'était blanc. Je ne savais pas qu'on faisait du Bordeaux blanc à Bordeaux. Et le serveur qui était champagne noir, qui on a eu une discussion ensemble, il a dit « Ah ben, si vous voulez vraiment apprendre sur le vin, il faut aller faire les vendanges en champagne. » Et ne parlant pas un mot de français, je suis parti tout de suite pour faire les vendanges. J'imaginais que je savais pas comment ça se passait. Je pensais que je serais dans les vignes en mangeant du chocolat et en buvant du champagne pendant que je cueillais des raisins. C'était très dur le travail. Mais comme je parlais pas français, la famille chez qui je travaillais, j'avais pas compris qu'il fallait partir après les vendanges, après les 10 jours des vendanges. Et moi, je pensais qu'il m'avait embauché pour plusieurs mois. Et donc, quand tout le monde est parti à la fin des vendanges, j'aurais dit, j'ai pas vraiment besoin ou envie. J'avais besoin, mais pas envie de garder votre argent. Est-ce que je peux rester avec vous, travailler pendant encore quelques semaines? Et ils ont gentiment, très gentiment dit oui. Et j'ai pu rester. Ils m'ont appris le français. Ils m'ont appris la culture de la table aussi. Voilà, donc ça, c'était le commencement. Et c'est un bon commencement pour pouvoir vous approcher de votre thème sur le terroir. D'autant que vous nous racontez dans ce livre, qui est un livre chronologique depuis le XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui, sur cette notion de terroir à la française. Vous nous racontez qu'évidemment, la Champagne n'a pas un rôle mineur dans cette question de l'invention du terroir. Et vous citez évidemment Saint-Évremond et sa gourmande géographie qui place sur les coteaux champenois, ça n'était pas là où vous étiez exactement avec votre famille, en l'occurrence Thomas Parker, mais sur les coteaux champenois, une sorte de métaphore de ce qu'est justement le terroir à la française, alors que le champagne n'a pas été encore inventé. C'est un vin tranquille à cette époque-là. Exactement, exactement. Et de plus, ça marque vraiment un moment intéressant et décisif dans l'histoire du terroir des connaisseurs, puisque cette Saint-Avrémont, il était connu comme un coteau. Donc c'était lui et quelques amis étaient les coteaux, c'était des fins gourmands qui n'acceptaient le vin champenois qui venait que de trois coteaux, Ailly, Hautvilliers et Avenay. Et donc il disait que ces vins là étaient supérieurs. Non parce qu'ils reflétaient le terroir, parce qu'ils ne sentaient point du terroir. Ils étaient épurés de la notion du terroir. Donc à l'époque, le terroir, c'était pas l'essence d'un produit, c'était quelque chose qui couvrait l'essence du produit. C'était quelque chose, c'était une imperfection. Alors ça, c'est assez extraordinaire ce que vous nous racontez, Thomas Parker, et on vous suit dans ces méandres, parce que c'est compliqué cette histoire du terroir en France. Dans ces méandres qui nous conduisent donc de Rabelais, du XVIe siècle, des poètes de la Pléiade jusqu'à aujourd'hui, avec des avancées, des reculades, pourrait-on dire, sur cette notion de terroir. Tout à l'heure, quand je présentais l'émission au Matin de France Culture, Yann Moix disait: ben voilà, le terroir, c'est maurassien, parce que évidemment, il y a cette idée que c'est lié au nationalisme ou au patriotisme local. C'est plus complexe que ce que vous racontez, Thomas Parker, parce qu'il y a à la fois des gens qui pensent que le terroir doit refléter la terre dans laquelle est planté le cépage, par exemple, pour le vin. D'autres qui, comme Saint-Évremond, pensent au contraire qu'il faut que cette terre soit la plus neutre possible pour laisser s'exprimer le produit. D'autres qui pensent que ces cépages peuvent être plantés dans différents endroits de France et exprimer de façon différente les terroirs dans lesquels ils sont plantés. Tout cela montre une très grande complexité, Thomas Parker. Tout à fait. Et je me suis aperçu que, en fait, l'histoire du goût et l'histoire alimentaire, ce n'est pas l'histoire la plus importante. En fait, quand on mange un produit et quand on déguste un vin et on cherche le terroir dedans, ce qu'on ignore très souvent, c'est que c'est venu, l'idée est venue d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est bâti sur une histoire d'idées, et notamment pour en revenir sur l'idée du champagne qui devait ne pas sentir le terroir. C'était une idée avant d'être appliquée au vin. L'idée, c'était que les gens ne devaient pas sentir le terroir. C'est-à-dire que pour appartenir à la cour pendant l'époque de Louis XIV, il fallait pas laisser deviner qu'on venait de telle ou telle région par sa façon de se comporter ou de parler. Ça, c'est d'ailleurs très important, parce que on sait combien les Français sont fanatiques d'orthographe et corrigent la moindre personne qui arrive sur leur territoire en leur demandant à cette personne de parler le français le plus pur et le plus parfait possible. Et vous faites un parallélisme, mais tout à fait étonnant, Thomas Parker, entre ce goût de la langue et ce goût du terroir, en montrant combien l'évolution et le regard que l'on porte sur la langue a quelque chose à voir avec l'évolution et le regard que l'on porte sur la nourriture qui serait issue de ce terroir. Et vous nous expliquez par exemple que au XVIe siècle, il est fort bien vu qu'un terroir et donc une langue exprime la particularité de ce lieu, et que c'est même le meilleur des Français, c'est celui qui, au XVIe siècle, exprime cette émergence par sa personne, par sa parole, de ce terroir dans sa propre personne. Et au XVIIe siècle, vous nous expliquez au contraire que c'est le contraire, la naissance de l'Académie française en 1635, le lissage de la langue va correspondre aussi avec ce lissage de la notion de terroir, Thomas Parker. Tout à fait, et donc encore une fois, pour évoquer les poètes de la Pléiade, ils étaient ils trouvaient que l'influence dans leur poésie venait en partie de là où il écrivait du paysage, et qu'il fallait pas utiliser la langue comme si c'était un outil déconnecté, mais qu'il fallait être dans la langue et dans le terroir et qu'il fallait ressentir ça. Alors qu'au XVIIe siècle, il y a un détachement, on est déconnecté du terroir, le langage aussi devait l'être. Et donc, tout ce qu'on disait devait être léger. On suivait la rhétorique de Cicéron, par exemple. On faisait notamment des comparaisons au début du XVIIIe siècle en disant, par exemple, que le premier style était un style beaucoup plus... Donc, il y avait beaucoup plus de matière dans le langage. On exprimait plus de choses et que c'était comme un vin bourguignon. Un autre style qui concurrençait le premier, c'était un style champenois et c'était comme le vin de Champagne, un peu plus léger, mais agréable aussi. Et donc, il fallait les deux styles étaient complémentaires, possibles. Oui, complémentaires ou concurrents. Alors, repartons de ce Rabelais, de ces poètes de la Pléiade. Vous nous expliquez, par exemple, la présence très forte dans cette redécouverte de l'Antiquité par la Renaissance, la présence très forte de la figure de Bacchus, qu'on verra ensuite totalement disparaître à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle. Cette figure de Bacchus, le vin qu'il représente, mais aussi l'ivresse qui va avec, mais aussi l'intelligence qui va avec l'usage du vin, sont essentiels, selon vos travaux, en l'occurrence, Thomas Parker, pour comprendre cette vision renaissante, pourrait-on dire, de la notion de terroir en France. Oui, il y a une dichotomie que j'ai découverte lorsque j'ai... Je suis allé droit vers Rabelais quand j'ai commencé mes études parce que je pensais, c'est là où je vais trouver le terroir. Et en fait, c'est vrai et faux à la fois. Il y a l'image d'abord du Bacchus, comme vous dites. Et chez Rabelais, les terroirs sont dépeints, sont représentés, mais Rabelais le fait ensuite pour les gommés. C'est-à-dire les gommés avec l'ivresse, avec la convivialité, avec cette idée du Bacchus ivre. Pourquoi? Parce que Rabelais était humaniste et pour lui, donc, si on va commencer à se définir par son terroir, ça peut mener à des débats entre des différentes des guerres picrocolines. Exactement. Alors que en montrant un terroir et ensuite en montrant qu'on peut transcendre, ça en fait c'était ça faisait partie de du message que Rabelais voulait envoyer. Alors que chez les poètes de la Pléiade, encore une fois, vous avez cette identité du poète. Et Bacchus est là aussi, il les inspire, mais il est naturalisé, il est rationalisé. Il appartient au terroir, donc il est dans les vignes. Alors ce qui est très intéressant, c'est que vous lisez Montaigne. Vous lisez Jean Bodin, ouais. Grand théoricien politique de ce même XVIe siècle. Vous y montrez les difficultés à se positionner pour les uns et pour les autres sur cette notion de terroir. Montaigne explique que tout compte fait un arbre, certes, rend le terroir dans lequel il est planté, mais que il s'adaptera si on le transfère dans un autre terroir, comme l'homme s'adaptera. De l'autre côté, Jean Bodin, grand penseur du politique au XVIe siècle et à la Renaissance, lui dit qu'il faut fuir comme la peste la question de l'autochtonie, c'est-à-dire de l'idée que les peuples naissent directement de la terre, parce que, par exemple, dit-il, les Bretons, c'est ce qu'il dit, sont persuadés qu'ils ne sont pas pervertis par l'influence extérieure, et vous expliquez que pour lui, c'est un repoussoir, cette question de l'autochtonie, du terroir trop fort, qui, d'une certaine façon, empêcherait l'unité du pays autour de la figure de son roi, par exemple. Ben oui, l'autochtone, c'est la personne qui dit qu'elle a une identité qui est venue de la terre où elle est née. Et en fait, Bodin combattait cette idée en disant que le terroir, c'était quelque chose. Donc, si on transplante les humains comme des plantes, ils aussi ils vont prendre le goût du terroir où ils sont transplantés. C'est-à-dire que donc, lorsque vous avez beaucoup de personnes qui habitent la même terre, ils vont pouvoir s'entendre parce que le terroir ramène en eux des qualités similaires. Et ça, c'est effectivement pas très éloigné de vision du 19e siècle. Le plébiscite de tous les jours de Renan prendrait-il racine dans ce 16e siècle? On pourrait se poser la question parce que vous nous expliquez ensuite qu'il y a des développements avec en particulier la naissance d'Olivier de Serres, de son traité d'agriculture, de son succès pour son traité d'agriculture qui est publié en 1600 et qui lui va valoriser la question du Vivarais, d'où il vient par exemple, des régions dans lesquelles il se trouve. Et que il va essayer de convaincre ses contemporains que l'agriculture, ça n'est pas quelque chose pour les plus pauvres, mais c'est aussi quelque chose aussi pour les plus riches, et qu'on y on y acquiert quelque chose à faire de l'agriculture, à participer à la valorisation de cette terre, comme on participe à valoriser, par exemple, les parlers locaux. Vous expliquez que dans son traité d'agriculture, eh bien, Olivier de Serres, en 1600, eh bien, utilise des mots du local pour pouvoir, parce qu'ils sont plus proches de ce qu'il veut dire que s'il prenait le français. Mais ça va durer un temps, dites-vous. Ça dure la première partie du XVIIe siècle. Et ensuite, même s'il a énormément de succès, Olivier de Serres et son traité d'agriculture va plus ou moins être recouvert par d'autres visions du terroir. Oui, tout à fait. Et c'est celle dont je parlais tout à l'heure. Donc, pendant la première moitié, donc, quand Olivier de Serres a publié son théâtre d'agriculture, c'était pendant le règne de Henri IV qui encourageait l'agriculture. C'était une clé à la richesse du pays. Mais c'est vrai que pendant l'époque de Louis XIII et Louis XIV, on va être centré sur Paris, on va penser à la richesse du pays en venant du mercantilisme, par exemple, et pas de l'agriculture. Et il y a aussi cette idée que comme la France était au sommet de son pouvoir mondial, de son influence mondiale, que Paris était au centre de cette influence et que il fallait se concentrer sur Paris et notamment sur cette idée d'avoir une langue qui était épurée du terroir, un langage qui était épuré, un comportement aussi. Et du coup, la façon de traiter la nature était aussi, c'était qu'il fallait la maîtriser, c'était qu'il fallait utiliser une science pour montrer que la nature, dans son expression sur Terre, était imparfaite, et que c'était la science de l'homme qui pouvait la gérer, la maîtriser. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans votre livre, préfacé par le grand historien Florent Quellier, il y a un débat. Et il le met en ouverture, puisque dans sa préface, il dit « Moi, je ne suis pas d'accord avec une des interprétations de Thomas Parker ». Il est toujours intéressant de voir que deux historiens peuvent être opposés ou du moins distants sur une interprétation comme celle-ci. Vous, vous dites le XVIIe siècle, c'est la maîtrise, comme on maîtrise la langue, on maîtrise la notion de terroir, on éradique cette notion de terroir. Et lui, il dit « Faut pas oublier que dans ce XVIIe siècle, on écrit aussi, en 1615, Mon Chrétien écrit « La moindre des province de la France fournit à vos majestés ses blés, ses vins, son sel, ses toiles, ses laines, son fer, son huile, son pastel, la rendent plus riche que tous les Pérous du monde, mettant en avant cette idée que justement cette richesse des terroirs unis sous un seul roi fait de la France, à l'époque où le Pérou est le fournisseur de l'or et de l'argent pour le royaume d'Espagne, et bien fait de la France l'équivalent du Pérou pour l'Europe. » Et donc il dit, il y a là, au contraire, une valorisation de ces petites nations, de ces petits terroirs, dit Florent Quellier, que visiblement vous contestez, vous, Thomas Parker. Pas tout à fait. C'est juste que la réalité se trouve entre les deux, entre les deux visions. C'est-à-dire que c'est sûr que la notion de terroir est péjoratif. Et en même temps, on disputait pas qu'il y avait une richesse en France pour ces produits agricoles et que on faisait attention d'où venaient ces produits, que ça soit le veau ou les pêches ou tous les autres produits. Simplement, cette idée, c'est un peu comme maintenant, comme quand on fait une analyse du vin, il y a un système de 20 points. Il y a certains connaisseurs qui vont qui ont une idée de ce qui représenterait un vin venant d'un terroir, un vin parfait venant d'un terroir. Mm-hmm. Et à chaque fois que il y a un défaut dans le vin, il y a la moitié ou le quart d'un point qui est enlevé de ce score de 20 points. Et donc l'idée, c'est que quelque part il y a un terroir, donc un produit qui est parfait, qui est représenté par son origine, mais et il y avait des origines qui produisaient de très belles choses en France, mais l'idée du terroir, c'est que ça empêchait la perfection de ces produits. Donc le terroir, encore une fois, l'origine était importante, mais le terroir était un défaut. Alors Florent Kelly a travaillé sur le potager du roi à Versailles. Vous aussi, vous avez votre interprétation du potager du roi. Vous dites en fait que le potager du roi tel qu'il est, pour vous, et comme tel que la Quintini, qui est donc le jardinier qui l'a conçu pour Louis XIV, le jardinier en chef, c'est justement de transformer l'étang puant, c'est comme ça que ça s'appelait, le lieu de Versailles où a été fait le potager du roi, l'étang puant, en un terrain dans lequel justement aucun terroir ne pourrait s'exprimer, mais où la qualité de chacune des espèces que l'on planterait serait sublimée pour et par le roi d'une certaine façon. Exactement. Versailles, c'était, et le potager, c'est là où le roi pouvait montrer son pouvoir sur les forces naturelles, et notamment en faisant pousser des récoltes qui n'étaient pas indigènes à Paris au climat, et que justement, c'était l'idée, c'était qu'il pouvait créer un endroit sans le goût de terroir et faire pousser, rompre avec le cycle naturel. Il était tellement puissant qu'il pouvait faire pousser. Il pouvait forcer les plantes comme on force les hommes d'une certaine façon à rentrer dans le cadre que le roi leur a prévu, c'est-à-dire à Versailles en l'occurrence. Et donc, comme les hommes sont rentrés à Versailles et ont été domptés par le roi, les plantes devaient être domptées dans le potager du roi. Exactement. Alors, qu'est-ce qui se passe au XVIIIe siècle pour qu'on rompe avec cette vision du monde, en l'occurrence, et que Montesquieu, mais aussi Rousseau, puissent participer à une autre vision de ce qu'est le terroir, Thomas Parker? Oui, bizarrement, c'est encore une fois la transformation du terroir vient pas du domaine agricole, ça vient du domaine de l'appréciation de l'art, notamment de l'abbé Dubos qui a écrit un traité sur la peinture et la poésie, qui disait que les écrits devaient être reflété par le terroir. Donc c'est dans des écrits comme ça qu'on va commencer à normaliser l'idée du terroir en disant que oui, c'est une influence, et notamment dans et la peinture. Et positivement. Et positivement. Et dans la peinture, par exemple, qu'il fallait, si on voyait une scène qui était censée représenter l'Italie, les personnages devaient avoir dans la représentation, devaient avoir l'air de venir du terroir peint par l'artiste. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, il y a Rousseau qui, dans son livre « Émile », publié en 1663, qui a lamenté le fait que la France perdait ses terroirs, que par exemple, les Parisiens, quand ils faisaient des séjours en campagne, au lieu de profiter du terroir, ils restaient parisiens, mm-hmm. et ils disaient, que on transformait les forêts et les marais et toutes les parties du paysage qui donnaient dans chaque partie de la France un certain terroir, qui donnait ensuite une certaine type de personne ou de personnalité, qu'ils enlevaient toutes ces influences qui étaient pour Rousseau positives. Et à partir de ce moment, on commence à trouver, notamment dans l'encyclopédie et dans des écrits sur la nourriture, que le terroir est conçu comme une influence plutôt positive très souvent. Et c'est ce que Jaucourt a écrit dans l'article 20 de l'encyclopédie que vous citez. Le bon vin de Moselle doit avoir le goût de l'ardoise parce qu'on engraisse les vignes qui donnent ces vins avec des ardoises qu'on a laissées exposer à l'air jusqu'à ce qu'elles fussent réduites à une sorte d'argile ou de terre grasse. Les vignobles d'Ochheim, auprès de Mayence, enferment dans leur sein des charbons fossiles qui peuvent être cause que les vins de ce terroir approchent du succinct par le goût et par l'odeur. Donc le vin doit avoir le goût de son terroir, en l'occurrence. Exactement. Et on trouve ce sentiment de plus en plus répandu dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Mais ce qui m'a étonné en faisant mes recherches, c'est que on voit ce sentiment appliqué à l'art et au comportement humain avant que je trouve l'idée esthétique dans la cuisine. Donc, c'est ça, cet échange entre toutes les disciplines et les domaines qui m'intéressent. Mais c'est quand même très étonnant parce que c'est ce moment-là, le XVIIIe siècle, où on va voir se forger une sorte de psychologie des peuples aussi, quelque chose qui dit que le français est comme ceci, l'italien est comme ceci, l'allemand est comme ceci, l'espagnol comme ceci. Et le français, eh bien, on va faire, dites-vous, le parallélisme avec le champagne. Le français, l'esprit français, c'est l'esprit du champagne, qui est pourtant une invention toute récente au XVIIIe siècle. C'est une invention du XVIIIe siècle et immédiatement, on va faire le parallélisme entre ce produit du terroir français et les Français. Oui, tout à fait. Et tout ça, c'est lié au déterminisme environnemental qu'on a déjà vu chez Baudin et Montaigne. Tout comme on disait que Paris était supérieur parce que c'était au centre de la France et que c'était pas marqué par l'influence du terroir, on a nationaliser cette image en disant que la France et les Français sont au milieu. C'est pas, ils viennent pas d'un climat ni trop chaud ni trop froid, un climat neutre. Et c'est ça qui permet à la France non seulement d'avoir de bonnes qualités agricoles, mais aussi aux Français d'être légers comme le champagne. C'est dans le Mondain de Voltaire qu'il parle des Français comme étant comme le vin d'Haï, donc le champagne d'Haï. Ce qui est quand même très étonnant, c'est d'arriver à résoudre ce paradoxe que vous filez tout au long de votre livre, Thomas Parker, qui est de dire qu'un pays uni est uni par la diversité. Et vous commencez évidemment en citant la fameuse phrase si souvent citée du général de Gaulle sur les 242, je crois c'est les 246 variétés de fromage en France. Donc comment gouverner un pays qui a 246 variétés de fromage? Et vous dites que c'est là le paradoxe français, que de vouloir à la fois montrer son unité par la variété de ses terroirs locaux. Oui, ben c'est quelque chose. Donc c'était un livre, c'est un livre historique pour lequel j'ai fait beaucoup de recherches, mais c'était aussi quelque chose que j'ai remarqué, qui m'a attiré la première fois que je suis venu en France, c'est-à-dire qu'il y a une régionalité, il y a une fierté régionale. Les petites patries, comme on dit généralement quand on cite Jean-François Chanet travaillant sur l'école et les petites patries à la fin du 19e siècle, par exemple. Oui, et par exemple, j'ai passé des mois en Champagne, mais j'ai jamais bu de vin de Bourgogne pendant que j'étais en Champagne, sauf une fois, et c'était vraiment, on a fait attention à ça, c'était comme une expérience extraterrestre, c'était vraiment, tout le monde était impressionné, et dans toutes les régions, ça a peut-être un peu changé maintenant, mais on a tendance à boire le vin qui vient de la même région. Et quelque part, je pense que, je ne sais pas si c'est vrai en France, mais c'est vrai aux États-Unis, je pense que les gens sont toujours un peu convaincus que le climat, le terroir, a une influence sur le comportement des gens. Que s'il fait chaud, que les gens se comportent d'une certaine façon dans le sud ou des États-Unis, par exemple, parce qu'il fait chaud là-bas, ils parlent plus lentement, parce qu'ils sont fatigués par la chaleur. Donc, je trouve que, quelque part, les gens sont toujours un peu convaincus que le terroir a une influence sur le comportement. Merci, on aura un grand intérêt à vous lire Thomas Parker pour Le goût du terroir, histoire d'une idée française, préfacé par Florent Quellier aux presses universitaires de Rennes et aux presses universitaires François Rabelais. On y découvrira des gens comme Jean Briorin Champier, qui écrivait des récits Baria en 1560 que je ne connaissais pas, mais aussi évidemment bien d'autres auteurs français qui théorisent justement à la fois entre langue et gourmandise et gastronomie cette notion de terroir. Merci beaucoup. Marmite, grande ou petite, viennent ronfler tout crépite. Les balles passent en rafale, tout en sifflant, c'est épatant. La vie dans la tranchée n'est pas du dernier confort. Dans la paille hachée, c'est là que l'on bouffe et que l'on dort. Et si jamais l'on manque de distraction, le canon Boche vous flanque quelques pruneaux. Double distraction, on a le choix des fuseaux percutants, c'est épatant. Marmite, grande ou petite, viennent ronfler tout crépite. Les balles passent en rafale, tout en sifflant, c'est épatant. Pour aller dans la tranchée, on suit le fameux boyau. C'est une sorte d'allée qui par instant se remplit d'eau. Le groupe sanitaire, pour plus de commodité, va, paraît-il, faire installer l'électricité. Ce sera réussi, il ne manquera plus qu'un petit lit. Marmite, grande ou petite, viennent ronfler tout crépite. Les balles passent en rafale, tout en sifflant, c'était pas tant. Un titre de Claude Ribouillot, donc Marmite, qui joue sur le paradoxe, ou plutôt sur la capacité de mettre ensemble ce qui se passe dans la guerre de 14, les pruneaux, les boyaux, les marmites. En l'occurrence, les marmites, c'est le terme qu'on employait pour pouvoir parler des trous d'obus, en l'occurrence, et puis également la nourriture qu'on peut y manger. Bonjour à vous, Marie-Françoise Limon-Bonnet. Bonjour. Vous êtes là pour nous parler d'une opération qui se lance demain aux Archives nationales. Vous êtes responsable du minutier central des notaires. Et cette opération s'intitule « Testament de poilu ». Et vous allez y lancer un travail collaboratif avec tous ceux qui veulent bien y participer. Qu'est-ce que c'est que ce lancement d'opération et qu'est-ce que vous voulez dire par ces testaments de poilu, Marie-Françoise Limon-Bonnet? Testament de poilu, c'est parti. En effet, à compter de demain, l'idée, c'est de permettre à tous ceux qui le voudront bien de s'approprier un petit morceau de patrimoine archivistique en se saisissant d'un testament de poilu conservé dans nos fonds aux Archives nationales ou aux Archives départementales des Yvelines pour le moment et de le transcrire pour qu'ensuite on constitue petit à petit une un base corpus, de données. Plus qu'une base de données. L'idée, c'est d'aller jusqu'à une édition en ligne de type critique, scientifique, puisque c'est un projet porté par des universitaires. C'est un projet, avant d'être collaboratif, qui est très participatif au sein de ces acteurs. Deux universités se sont associées à nous, portent le projet pour le défendre auprès de nos financeurs. C'est l'Université de Cergy-Pontoise, avec une professeure de littérature anglaise, nous verrons tout à l'heure pourquoi, Emmanuel Dechamp, et l'Université de Paris 8. Et c'est aussi un projet qui a été porté, testé par l'École nationale des chartes, qui forme beaucoup de nos confrères. Et vraiment, ces sources entrent actuellement dans les services publics d'archives. Ce sont à l'origine des minutes déposées auprès des notaires. Les minutes notaires sont des archives publiques. Parmi ces minutes, contrat de mariage, inventaire après décès, acte d'acquisition de biens meubles, il y a les testaments. Parmi les testaments, il y a une partie de ces testaments qui sont des testaments de poilus, puisqu'aujourd'hui, on peut collecter ces minutes lorsqu'elles ont 75 ans. Mmh. Et nous sommes dit que 2018, c'était l'année où il fallait en mettre un petit coup pour mettre en valeur à la fois ces sources nouvelles et ces derniers écrits de poilus. Alors, on a suivi beaucoup toutes les commémorations et toutes les opérations qui ont eu lieu depuis 2014 et le début du centenaire de la Grande Guerre. Et il y a eu une opération qui m'y faisait penser, mais vous allez peut-être nous expliquer en quoi Testament de poilus est différent, qui s'appelait Un jour et un poilu, donc qui était une opération de créer des fiches numériques de 1 400 000 soldats, donc qui avaient été remplies là aussi par des particuliers, comme vous allez le demander à ceux qui vont retranscrire dans un format qui s'appelle TEI, les testaments de poilus. C'est différent ? En quoi c'est différent ? C'est différent et cela peut s'associer tout à fait. D'ailleurs, il s'agit des fiches de la Grande Guerre qui donnent la liste des gens qui sont morts pour la France. En effet, qui sont sous forme image sur le site Mémoire des Hommes et qu'on a demandé aux gens d'indexer simplement pour les retrouver. Nous autres, avec notre projet de transcription collaborative, nous sommes face à un texte, même très bref, qui a une forme quasi littéraire. C'est le dernier écrit à vocation testamentaire de quelqu'un qui part à la guerre et qui veut rester, s'organiser, rester en paix avec lui-même, donner ses dernières recommandations aux proches. Et donc, il s'agit là, plus que d'une indexation, d'une véritable transcription. Et vous avez exposé ce vocable de TEI. C'est un anglicisme, Text Encoded Initiative. En fait, c'est un consortium d'universitaires, de chercheurs, d'archivistes, de conservateurs, bibliothécaires qui souhaitent renouveler les pratiques de l'édition critique en ligne. Et ce standard informatique permet de baliser un texte, un manuscrit médiéval, comme un manuscrit littéraire contemporain, et pourquoi pas un testament de poilu. Baliser, c'est-à-dire ? Baliser, ça veut dire que vous allez pouvoir donner la structure matérielle du texte, les retours à la ligne, mais aussi dire qu'ici il y a une date, ici il y a un nom propre, ici il y a une expression particulière. Et ce balisage est récupérable sans difficulté au moment où on édite en ligne. Donc on va demander aux gens de transcrire, ils seront guidés, et en plus, ce qui est vraiment novateur, c'est qu'on va leur demander de baliser, pas simplement mettre dans une case de base de données, ceci est le nom, ceci est la date du testament. C'est d'ailleurs un travail que ça, nous l'avons déjà fait en amont. Le travail en amont est considérable avant d'en arriver à cette plateforme qui sera lancée demain et qui est la partie visible. Et pourquoi donc ces ateliers participatifs, les archivistes et l'école des chartes, les archivistes des archives nationales ne pouvaient pas faire ce travail sans l'aide des Français, des centaines ou des milliers de Français qui participeront à cet atelier participatif, en l'occurrence Marie-Françoise Limon-Bonnet. De tous ces anonymes qui rendront des poilus un peu moins anonymes, quels sont nos concitoyens Pourquoi ? D'abord parce que en tant que conservateur d'archives, ce qui me séduit en ce projet, auquel j'ai participé, auquel j'ai souhaité adhérer très rapidement, c'est que cela permet à n'importe qui de s'approprier le document. Je l'ai transcrit quelque part, c'est un peu le mien, même si je n'ai aucun lien avec ce poilu. On imagine bien que beaucoup de généalogistes vont s'intéresser au projet. C'est le phénomène qui a fonctionné pour d'autres initiatives comme Un jour un poilu. Et c'est ce que l'on souhaite. Mais de façon générale, le transcrire, y passer quelques heures, transpirer un peu en essayant de comprendre le mot muni d'une faute d'orthographe, comprendre le système de balisage, on ne peut pas faire mieux pour se l'approprier. C'est encore mieux que de le contempler dans une exposition d'une certaine manière. Et c'est important pour les conservateurs d'archives de trouver ces nouvelles formes de diffusion. Nouvelles formes de diffusion qui, par ailleurs, se font selon les plus grands critères d'édition scientifique. Ça veut dire que chaque transcripteur a sur son épaule un spécialiste ou une spécialiste. De transcrire le testament qui sera bien entendu relu, validé par l'équipe de projet avant de figurer sur une plateforme à construire qui sera la plateforme d'édition. Mais vous pouvez avoir un premier jet de cette plateforme d'édition et qui nous a permis de valider tous nos choix grâce à l'édition électronique de 134 testaments qui a été faite par le professeur de l'école des chartes, Christine Lugaret, qui a lancé ce projet avec nous, et Florence Claveau, qui est ma consoeur, conservateur en chef, et qui est la personne la mieux formée à la TEI en France et qui a construit, avec un ingénieur, cette plateforme lancée demain. Donc, avec ces 134 testaments, on sait déjà quelque chose sur ces poilus. L'idée, c'est ensuite que les particuliers et les équipes de recherche s'en saisissent pour contrôler, développer les premières conclusions. On sait par exemple que ces poilus parisiens et bientôt également des Yvelines et pourquoi pas d'autres dépôts d'archives en France ont en moyenne 31 ans pour ceux qui testent. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que beaucoup de poilus sont morts sans testament. Mais pour ceux qui testent, et ça m'a surpris, ils sont relativement âgés. Et peu, sans doute, proportionnellement, vont tester. Les premières conclusions ont aussi montré que la plupart de ces testaments sont rédigés au moment de la mobilisation générale, donc entre le 1er et le 4 août 1914. Donc les gens sont bien conscients qu'ils partent pour la guerre. Et on sait aussi que les premières semaines de la guerre sont meurtrières. Il y a 27 morts le 22 août 1914. Donc quelque part, il y a un débordement même de l'organisation de l'arrière. Et on voit d'ailleurs à travers ces testaments, pour ceux qui sont rédigés plus tard, en 1915, en 1916, que un régime spécial est pris en compte. Le ministère de la guerre, d'abord, il va formaliser la notion de mort pour la France, en juillet 1915. Et en 1916, il va, par une instruction, expliquer ce qu'il faut faire de ce que l'on trouve comme élément personnel sur le poilu ou ce qu'il a laissé à l'arrière au cantonnement, qu'il faut renvoyer au service des pensions. Et pour les testaments, on dit, faites bien attention à tout ce qui pourrait avoir valeur testamentaire, transmettez-le à ce service dans une enveloppe rouge. Alors, cela commence demain, donc par une journée d'études à l'hôtel de Soubise et au Caran à Paris, donc qui sont deux des lieux des archives nationales dans le centre de Paris. Ça va continuer comment et ça va durer combien de temps, cette opération testament de poilu? Demain, nous lançons par une série de conférences et surtout des ateliers pratiques où se sont inscrits déjà plus d'une quarantaine de volontaires. La liste montre que ce sont des gens comme vous et moi, qui ne sont pas forcément formés à l'histoire, donc nous nous réjouissons d'avoir leur première réaction face à l'outil lors de ces ateliers. Et puis après, c'est vraiment un lancement. C'est comme une inauguration d'exposition ou le lancement d'un ouvrage. Oui. Ça va durer au moins 4 ans, oserais-je dire. Puisque là, nous allons livrer en mode image, puisqu'avant, il faut repérer ces testaments, il faut les numériser, il faut les décrire avant même de les transcrire. Nous en avons déposé 111 pour Paris, Archives nationales, 65 pour les Yvelines. Mais nous savons, nous, au fur et à mesure que nous faisons entrer les minutiers notaires de Paris, qu'on a encore un potentiel de plusieurs milliers de testaments. De même, les Yvelines et peut-être d'autres archives départementales qui rallieront le projet ont des potentiels de centaines de testaments à déposer. Et plus le corpus sera abondant, plus il pourra servir à toutes sortes de thèses et de descriptions de ce qu'est le poilu. À l'origine, Christine Nougaret s'est intéressée à ces documents parce que elle s'intéresse à l'histoire du fort privé, aux écrits, témoignages du privé. Est-ce que le testament de poilu, tout particulièrement, comprend quelques éléments concernant la vie privée de cet individu? Très certainement. Les premiers qu'on a pu lire montrent qu'il s'agit de se mettre en danger avec soi-même, d'évoquer l'amour qu'on a pour ses proches, parfois de dire qu'effectivement on avait une petite amie, qu'on sait bien qu'on va la laisser, qu'il ne faudrait pas l'oublier, qu'on a quelques biens. Je me souviens de ce garçon de café qui donne sa bicyclette à son neveu, sa montre à son frère. Certains sont mariés, certains ne le sont pas. Et sans doute, peut-être, et c'est pas la moindre des questions qu'il faudra se poser, beaucoup de ces écrits testamentaires n'auraient sans doute rien changé à la succession familiale. Et ça, dans l'histoire des idées, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on pourra voir de résultats de ces testaments de poilu avant même que on ait conclu le travail? D'abord, si on s'inscrit, on s'inscrit où? On s'inscrit sur la plateforme en ligne, dont l'adresse est https://testament-de-poilu.uma-num.fr. Bon, on mettra ça sur le site. Oui. Puisque nous sommes hébergés par l'équipement Humanum. Et on s'inscrit, on se saisit d'une image, une page de testament, et on travaille. Tout ceci durera plusieurs années avec la Fondation des sciences du patrimoine et la mission du centenaire qui nous soutiennent. Avec des comptes rendus réguliers, j'imagine, de ce travail. Bien sûr, et l'édition scientifique en ligne annotée de l'ensemble de ces écrits testamentaires. Merci beaucoup Marie-Françoise Limon-Bonnet. Je rappelle donc que ça commence demain, testament de poilu, avec un lancement en fanfare à Paris. Et on va terminer cette émission avec la suite de notre série consacrée à la cuisine. Il avait d'ailleurs travaillé beaucoup sur la question des restrictions en temps de guerre. Il s'appelait Édouard de Pomian et il sera au cœur du documentaire concocté par Olivier Chomel et Thomas Duterre demain dans la fabrique. Édouard de Pomian, Julia Sergaud. Déjà un personnage qui me semble extrêmement attachant et malheureusement trop méconnu. et une des figures marquantes de la gastronomie de l'entre-deux-guerres en réalité. Un personnage assez extravagant, assez éclectique même, avec ses recherches, puisqu'il est docteur en médecine et docteur en sciences naturelles, donc avec toutes ses recherches extrêmement pointues, sérieuses, qu'il mène à l'Institut Pasteur autour des problèmes de la digestion, des sucs pancréatiques, intestinaux, etc., des enzymes, enfin toutes ces questions-là, très sérieuses. Et d'un autre côté, un homme qui s'est beaucoup intéressé donc, à l'alimentation. Alors, de ce point de vue-là, je ne peux pas dire qu'il innove véritablement, parce que déjà, dans la deuxième moitié du 19e siècle, on a beaucoup de médecins qui travaillent sur l'alimentation. Mais ils travaillent beaucoup sur la question de la nutrition, de l'alimentation rationnelle, etc. La chose très étonnante avec Pommiane, c'est que lui, en fait, va être un médecin cuisinier et gastronome, en fait, ce que n'étaient pas les autres. C'est-à-dire qu'il se laisse évidemment happer par cette gastronomie qui occupe beaucoup quand même l'entre-deux-guerres en France, hein, ce mouvement, ces personnages hauts en couleur comme Kurnonski, fondateur de l'Académie des gastronomes, à laquelle d'ailleurs Pommiane il sera cofondateur de cette académie. Et il va s'intéresser, se passionner pour la cuisine. Je vais tout vous expliquer. Depuis très très longtemps, j'étudie dans mon laboratoire de l'Institut Pasteur les phénomènes de la digestion. Je mets dans des petits tubes de verre des morceaux de viande crue ou cuite, des parcelles d'œufs durs, des morceaux de beurre. J'y ajoute des liquides sécrétés par l'estomac, l'intestin, le foie, et je regarde ce qui se passe. Ces liquides dissolvent les aliments. Cette dissolution s'appelle la digestion. Après avoir étudié la digestion d'aliments simples, d'albumine d'œuf ou de viande crue, j'ai voulu comprendre comment se digèrent les mets plus compliqués que l'on prépare tous les jours. J'ai étudié la digestion des beefsteaks aux pommes, du pot-au-feu, du ragoût de mouton, de la raie au beurre noir, de la mayonnaise. J'ai vu que ça n'allait pas tout seul. Alors, j'ai cherché à savoir la différence qui existe entre un morceau de bœuf grillé et de bœuf bouilli. J'ai étudié les phénomènes physiques et chimiques qui se passent à la cuisine, dans la casserole ou la poêle à frire. Après avoir étudié ces phénomènes pendant 10 ans, j'ai compris ce qu'est la cuisine. Alors je l'ai enseigné comme une science et je me suis mis à faire ma cuisine moi-même. À cette cuisine basée sur la science, j'ai donné le nom de gastrotechnie pour avoir l'air plus savant. Voilà, bien avant la cloaca de Wim Delvoye et le travail d'Hervétis, il y avait Édouard de Pommiane, dont on entendra parler demain dans le documentaire signé Olivier Chaumel et Thomas Duterre dans la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire de la cuisine. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Aurélie Marcet et Francesca Fossati. Jean-Frédéric était avec nous aujourd'hui à la technique et Thomas Duterre à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, nous avons parlé à la fois de Testament de Poilu, une opération qui se lance demain aux Archives Nationales, mais également du livre de Thomas Parker en ouverture de notre semaine sur la cuisine qui s'intitule « Le goût du terroir, histoire d'une idée française ». Eh bien, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr, également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter, c'est Fabrique FC. Fabrique FC.